Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, nous allons entendre Naxatras de Grèce, The Laconic de Pologne, Glasshammer des États-Unis, Mr. G&G, ça c'est une formation multinationale. On aura le Canadien Rick Miller. On retourne en Grèce avec King Garcia. On aura la Population 2. Ça, ça nous vient du Québec. Ça sera suivi de Oak de Norvège, de Bjorn Riss de Norvège, de la formation Le Soir des Pays-Bas. Et à la fin, je vais rendre un hommage à un ami disparu cette année avec une chanson de Léormé. Alors, on débute l'émission avec Naxatras. Ça, c'est un groupe qui vient de la Grèce et qui fait dans le prog psychédélique. Il nous a présenté cet hiver un cinquième album, simplement intitulé 5 en chiffres romains. Et l'album, dans leur cas, c'est le plus mature et extrêmement bien produit. Alors, je vous extrais une pièce de cet album-là. Ensuite, je vous propose une nouvelle formation qui vient de la Pologne. Le nom du groupe est The Laconic. Et leur premier album qui vient de paraître s'intitule Conic Sections. Et pour conclure ce premier segment, j'ai le plaisir de vous offrir un extrait du plus récent album de Glasshammer. Ça, c'est un groupe américain de prog symphonique qui existe quand même depuis 1993 et qui vient de lancer Rogue. Ça, c'est un 23e album en carrière. Mais on débute ça avec Naxatras. Thank you. existence in disguise. The horse is riding in the sun, he feels no longer alive. But trees that grow eternal wither in the winter night. No longer we may roam. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui, on aura encore des nouveautés. Et ça va commencer avec Mr. G&G. Ça, c'est une formation multinationale qui vient de lancer After Us, The Flood. Ça, c'est leur premier album. Et j'en ai extrait deux chansons. Ensuite, je reviens à Glasshammer avec un deuxième extrait de leur nouvel album. Et on poursuivra ensuite avec le musicien multi-instrumentiste canadien Rick Miller. Il vient de lancer Perspective. Ça se trouve être son 19e album depuis ses débuts en 1984. Alors, ceux qui connaissent Rick Miller vont tout de suite reconnaître son style. Ensuite, on terminera ce deuxième segment avec une nouvelle formation qui vient de la Grèce. Le nom du groupe, c'est King Garcia. Et le titre de leur premier album, c'est Hamelin, duquel on va entendre la pièce-titre. Gone, all hope is gone, my feelings withdrawn, no place for freaks, sure, complete, oh almighty one, why make us run, I'm feeling sick. Stillness of night, setting sail, I chart my course. Two stars still shine, oh, Miss Light. Drifting away from heartbreak shores. Two birds still care one. A summer love, plain for all to see. And if I don't let go, what then? You'd explode like the sun. I'd collide into your gravity. Failed me. voice to the victory song. My side at heaven's gate, I soon will be. The evening breeze, it leads me to a time and place that I once knew. I'm looking for a place to be. My avalanche still in front of me. êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. On débute la deuxième heure de l'émission avec la formation québécoise Population 2 et on va entendre deux extraits de leur nouvel album Maintenant Jamais. Et ensuite, on se dirige du côté de la Norvège avec la formation Oak qui vient de lancer un quatrième album depuis leur début en 2013 et l'album s'intitule The Third Sleep et j'en ai extrait deux chansons, ce qui va nous amener à la fin de ce troisième segment. Alors, on débute ça avec Population 2 du Québec. Thank you. Time. whisper out the sun, to part the clouds. Hanging feet will run and wake the crowds. The ghost by my side is buried. Centuries collide. exploding eyes, eyelids of ashes to keep the sun. Salt water to flush it out. Anna is a lost drone. I brought to see the battle run. Wasted in a layman. Oh, promise and deeds undone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au quatrième et dernier segment de l'émission d'aujourd'hui et on va conclure cette 12e saison de Rock de Neurones avec en entrée de jeu le guitariste norvégien Bjørn Riis. C'est un guitariste qu'on connaît aussi pour sa participation à la formation Airbag et qui, comme soliste, en est rendu quand même à son 5e album studio. L'album s'intitule Film Ball Winter, duquel on va entendre la pièce She. Ensuite, ce sera la formation néerlandaise Le Soir qui nous offre une longue pièce extraite de leur dernier album intitulé Babel. D'ailleurs, la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce titre. Et je vais conclure après la pièce Babel avec un court hommage à un ami disparu cette année. Every time I feel alone, every time the sun is down, when I feel coming on, whenever I lose control, she's always here. Always here for me. She's always here for me. Fly. She's always here. She's always here for me.

What separates a flash, a split second from a century? Content and context. What separates the life of a woman or man that achieves a million things, or one monumental thing from one that achieves nothing that anyone remembers? Content and context. What separates those that have lived lives full of love and happiness from those that have endured unfathomable pain and suffering and never known a single moment of bliss? Much, much more than just content and context. Everything, the world. Yet, in the scheme of things, our lives and all experiences have a beginning, an end, and an in-between, and are gone, as if they never were. Through the palms of the hands of the earth, we swear. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Babel du groupe néerlandais Le Soir. Avant de vous quitter, j'aimerais rendre hommage à un ami mélomane qui est disparu cette année. Son nom, c'est Denis Guillaume, qui, en compagnie de sa conjointe Jocelyne, était propriétaire du Colimaçon à Trois-Rivières. Ça, c'est un disquaire qui m'a beaucoup accompagné au fil des décennies. Et qui m'a beaucoup appris. Alors, c'est un gentleman qui va beaucoup me manquer. Alors, je termine donc la saison 2024-2025 en lui offrant une pièce du groupe italien qu'on appréciait tous les deux. Et le groupe, c'est Léormé. Et la pièce est intitulée Amico di Leri. Quant à moi, je prends une pause pour l'été et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Pour être au courant des dernières nouveautés, j'annoncerai les nouveaux albums et je vais aussi vous informer de la date de reprise des émissions en septembre. Alors, je vous souhaite un bel été musical. Thank you. d'autunno, amico di ieri. Oggi nessuno si cura di te. La tua voce che si alza